Chapitre 19. David fut récompensé comme il le méritait. On lui offrit une belle montre trouvée au marché noir, bien entendu. Néanmoins, la situation commençait à lui peser. Il posait de plus en plus souvent des questions sur ses parents. Était-il toujours à Drancy? Avait-il été amené en Pologne? Sinon, n'y avait-il aucun moyen de les voir? Jalouse et inquiète de son petit protégé, Odette avait convenu avec le directeur de l'école qu'elle le préviendrait par téléphone de chaque absence de David Denis. En revanche, elle lui avait fait promettre de la prévenir de toute absence non signalée constatée par son maître. Judicieuse précaution, car un matin, un peu avant 9 heures, elle fit irruption dans le cabinet de Louis, en pleurs, blême et échevelée. « David n'est pas à l'école. Le directeur vient de me téléphoner. Je t'en supplie, Louis, fais quelque chose. » Louis était atterré. Il tenta de ne pas se laisser gagner par la panique. « Ne t'affole pas. Essayons de réfléchir. Il ne t'a rien dit ce matin en partant ?»« Non, rien. Il était comme d'habitude. C'est la Gestapo qui l'a enlevé, j'en suis certaine. »« Attends, calme-toi. La Gestapo a eu tout le temps de l'enlever depuis qu'il va à l'école. » « Oui, mais ce salaud de Schuller en représailles, tu sais bien qu'il ne peut pas sentir David et qu'il le suspecte toujours d'être juif. Il n'a pas digéré la façon dont on s'est foutu de lui la dernière fois. »« Mais non, si c'était ça, il aurait emmené le gamin ce soir-là. » Tout en réfléchissant, Louis téléphona au directeur. « Vous n'avez rien remarqué devant l'école ce matin? La présence de soldats ou de policiers, par exemple? » ?»« Non, tout était normal, docteur. » « Voulez-vous faire une petite enquête auprès de ses camarades de classe, s'il vous plaît ?»« Tout de suite. »« Bien sûr, le temps presse, monsieur. »« Bien, je vous rappelle immédiatement. » Au bout de 5 longues minutes, le directeur rappela. « Un de ses camarades avec qui votre fils fait le chemin affirme qu'il ne l'a pas vu. Ils s'attendent habituellement en bas de la rue Tournefort. Le copain a attendu Denis, puis il est parti, pensant qu'il était malade. » Donc David n'avait pas pris le chemin de l'école. Il était peu plausible qu'on l'ait enlevé juste dans le petit bout de rue qui restait à parcourir. Et s'il avait décidé d'aller ailleurs? Une fugue? Interrogea Odette affolée. Ça y est, je sais où il est. Bon Dieu! Rugit Louis. Viens, habille-toi vite. Pendant qu'elle enfilait n'importe quoi, Louis lui révéla sa pensée. Il est parti à Drancy, j'en mettrai ma main à couper. Mais c'est grand Paris. Comment faire pour savoir où il est? Tu te rends compte? Je t'attends dans la cour. Louis fit démarrer la traction avant avec la manivelle, puis fit rugir le moteur. Ils sortirent de la cour en trombe. Heureusement, le réservoir était resté presque plein depuis que Louis ne s'était pas servi de sa voiture. « Mais où va-t-on? Explique-moi au moins. Nous allons à Drancy. Inutile d'essayer de le trouver sur le chemin. Il y a trop d'itinéraires différents. Par contre, comme il est dégourdi, il y a des chances qu'il arrive à destination. Et puis, il avait de l'argent dans sa tirelire. Des papiers, n'oublie pas. Nous allons l'attendre devant la cité de la Muette, en priant qu'il ne soit pas déjà arrivé. Vu l'heure, ça me semble peu probable. » Odette se rendit aux raisons de son mari et pria tout le long du trajet. Arrivée sur les lieux, elle fut frappée par l'aspect lugubre des bâtiments. Était-il possible de vivre là-dedans? Se demanda-t-elle, même si ce n'était pas un camp d'internement. Ils garèrent la voiture à l'écart et s'assirent dans une légère excavation du terrain vague devant la cité pour ne pas se faire remarquer. Aucun aménagement n'avait été construit. Les bâtiments ressemblaient à d'immenses débris laissés là dans un paysage pelé et hostile. Même un être libre et en bonne santé était totalement démoralisé par ce décor angoissant et cauchemardesque. Une attente pénible commença, pleine de doutes, d'espoir, mais aussi de chagrin de penser que David avait pu fuir le foyer qu'il s'efforçait de lui rendre agréable. Y aurait-il un jour une réelle issue à ce problème? Ni Louis ni Odette n'osaient penser que la mort des Hilbert était la seule solution. Au bout d'une bonne demi-heure, ils aperçurent une tête qui apparaissait et disparaissait au gré des ondulations du terrain. Ils reconnurent enfin la frimousse de David avec un immense soulagement. Ils le laissèrent s'approcher. Son visage montrait une réelle détermination tout comme celui d'un homme. Malgré eux, ils étaient fiers de lui devant cette volonté dont eux-mêmes ne se croyaient pas capables. À 10 ans. Soudain, il les aperçut et eut un brusque haut-le-cœur. Son visage refléta une immense contrariété. Il hésita un instant entre le désir de fuir, celui de courir à leur rencontre ou de se précipiter vers le camp, car il se doutait bien qu'ils étaient là pour l'empêcher d'y accéder. Finalement, dans un élan soudain, il prit sa course vers la barrière du camp. Louis s'élança et le ceintura de ses bras, pendant qu'Odette fondait en larmes, mortifiée par la réaction du gamin. « Arrête, David, tes parents ne sont plus là. Nous n'osions pas te le dire, mais n'y va pas. C'est inutile. » Se disant, il caressait les cheveux du gosse qui donna des signes d'apaisement. Louis relâcha alors son étreinte et prit David par la main. Sans crier gare, il s'échappa de nouveau et cette fois parvint à la barrière où veillait un gendarme qui n'avait rien perdu de la scène. David se planta devant lui et le questionna résolument. « Vous connaissez les Ilba ?»« Fit le gendarme en jetant un coup d'œil à Louis. « Pourquoi tu me demandes ça ?»« Parce que ce sont mes parents. » dit David fièrement. Contrairement à ce que le lecteur pourrait penser, c'était un bon jour. Le gendarme était un homme matois, doué de beaucoup d'humanité. « Tu es sûr que ton papa n'est pas le monsieur qui est derrière toi ?»« Non, » répondit David catégorique. « Alors ils sont où, les Ilbars ?»« Ils sont dans le camp où ils ont déjà été amenés. »« Je crois qu'ils sont déjà partis, » avança le gendarme, essayant de deviner la bonne stratégie. « Je veux aller voir. » s'entêta David. « Impossible, mon petit gars. Si tu rentres, tu ne pourras plus ressortir. Je m'en fous. »« Allez, viens, » conseilla Louis. « Tu énerves le gendarme avec tes questions idiotes. »« Vous les avez amenés, c'est ça ? Dans un camp, pour qu'ils meurent de faim ? Salaud, va !» Le gendarme, jugeant que l'entretien allait mal tourner pour tous, décida d'employer la manière forte, même si cela lui coûtait. « Tu m'énerves à la fin. Je m'en fous que tu sois juif. Je m'en fous de tes parents. » « Fiche-moi le camp, et profite que quelqu'un veuille bien s'occuper de toi, » dit-il en désignant Louis. « Allez, déguerpis avant que je te botte le cul. Oust, du balai !» Louis entoura les épaules de David en remerciant le gendarme d'un signe de tête. Le gamin se mit à tant trembler que ses jambes ne le portaient plus. Odette le prit contre elle à l'arrière de la voiture qui démarra sans attendre. Le gamin grelotta tout le long du chemin. « Je crois qu'il a de la fièvre, » dit Odette à voix basse. « C'est le choc. » « Je vais lui donner un sédatif, ne t'inquiète pas. » Dans les heures qui suivirent, David tomba dans une langueur morbide. Il refusait toute nourriture et ne parlait plus, au grand désespoir de ses parents adoptifs. Enfin, au bout d'une dizaine de jours, il consentit à avaler une bouchée d'omelette, et à partir de là, le retour à la normale se fit progressivement. Il expliqua à Louis et Odette qu'il avait pris le métro, et qu'après, un camion l'avait amené au port de la cité de la Muette à Drancy. Ce n'est que bien plus tard que Paloui remplacerait Papa Simon, et que Maman Anga, Maman Olga, céderait la place à Maman Anou, Maman Odette. Durant cette période douloureuse, Pinot les informa qu'ils avaient reçu une aide inattendue en la personne de Madame Lacaze. L'épicière épinglée qui vouait une reconnaissance éternelle à la résistance pour la disparition opportune de l'agent du contrôle économique. Du coup, elle avait complètement tourné sa veste et rendait de secret service. Elle avait spontanément témoigné avec Madame Kubler dans l'affaire des miliciens. De la part de quelqu'un qui avait écrit plusieurs lettres de délation, le témoignage n'en avait que plus de poids. Léo fit insérer le wagon truqué dans un train de marchandises à destination de Bordeaux. Près de Périgueux, le stratagème du troupeau de moutons serait utilisé et les fuyards s'enrôleraient dans la résistance locale. L'Anglais devint atteindre à la gare de Bayonne et on essaierait de le faire passer en Espagne. Les Allemands avaient renforcé les contrôles à la frontière et les passeurs étaient surchargés d'un travail de plus en plus dangereux. Certains ne dormaient pas durant plusieurs nuits pour satisfaire la demande. Le train parti, l'équipe poussa un ouf de soulagement. Le reste ne les concernait plus. Mais le ciel ne s'était pas dégagé pour autant et les trois amis étaient sur le qui-vive en permanence. Louis et Léo envisageaient de plus en plus sérieusement d'avoir bientôt à prendre ce wagon à leur tour. Ils savaient bien que Schuller n'avait gobé aucun de leurs mensonges et que l'heure de l'addition allait sonner bientôt. Avant de disparaître dans la nature ou dans la mort, Léo s'était juré d'accomplir un acte punitif final. Certes, cet acte ne lui laverait pas la conscience d'appartenir à un régime dont la mort était le fonds de commerce. Mais quelquefois, l'homme, pour mourir en paix, a besoin de laisser derrière lui un cadavre à défaut d'une œuvre qui lui survive. Il s'ouvrit de son dessein à Louis. Il s'agissait de liquider le Hauptsturmführer Werner, responsable de la mort des Juifs d'un train entier en gare de Bobigny et qui continuait à s'en vanter. Louis lui avoua les crimes qu'il avait déjà commis ainsi que leur modus operandi. Léo dut avaler coup sur coup de cognac pour supporter cet aveu. Néanmoins, la méthode Fogel avait du bon, et Léo tenterait de l'utiliser. Louis lui propose alors de le faire à sa place, mais Léo refusa catégoriquement. « C'était une question d'éthique, » dit-il. Le major écouta attentivement les explications de Louis sur la façon dont le curare agissait et les symptômes que présenterait la victime afin qu'il ne soit pas surpris. Louis lui montra également comment tenir la seringue dans la main pour qu'on ne la remarque pas. Léo s'entraîna plusieurs fois en piquant un coussin qui fut bientôt criblé de petits trous. Avec Louis, ils prirent l'habitude d'utiliser la sortie de l'immeuble mitoyen situé dans la rue derrière, en passant par la cave communicante. Désormais, Léo s'habilla en civil lorsqu'il n'était pas de service. Il réalisa ainsi que depuis plus de 25 ans, il n'avait jamais porté d'autres vêtements que des tenues militaires. Quel sacrifice, quel sacerdoce, mais aussi quel gâchis, pour en arriver là. Insidieusement, il s'aperçut que se dépouiller de sa tenue le faisait également se débarrasser de l'idéologie et des horreurs qui allaient avec. Quand il était en civil, il se sentait plus léger, plus jeune, en un mot, plus libre. Puis, se mettant dans la peau d'un espion assassin, il suivit sa victime pendant plusieurs jours pour déterminer ses habitudes et les endroits qu'elle fréquentait le plus souvent. Cela lui demanda une extrême prudence, car il redoutait fort d'être suivi. Il s'aperçut ainsi que Werner était un grand habitué du Sphinx, cabaret bordel rue Edgar Quinet, aussi bien que du 122, le 122 rue de Provence, deux établissements où de très jolies filles avides soignaient l'officier en caressant le vice. Léo n'était pas habitué à se rendre dans l'hôtel du Panard. Il fréquentait en toute amitié une jeune veuve et cette relation lui suffisait. Sa présence inhabituelle fut remarquée par quelques camarades qui le plaisantèrent gentiment. « Tu vois, Müller, on finit toujours par y venir. » Léo s'aperçut ainsi que Werner passait un soir sur deux dans ses cabarets et en ressortait au petit matin, quand il n'y passait pas aussi la matinée, bourré et complètement pompé à tous les sens du terme. À partir d'une certaine heure, il régnait dans ces bordels une ambiance complètement folle, dans laquelle absolument tout était possible. Il décida que c'était là qu'il opérerait. Un soir de la semaine suivante, muni de la seringuette, il suivit donc Werner et le vit entrer au 122. Il patienta quelques instants dans la rue, puis entra à son tour. Ce fut Fabienne elle-même, la patronne, qui le reçut. Elle avait senti, en fine mouche, que cet homme poli et timide n'était pas un soudard comme la plupart des autres. La salle était tapissée du noir et du gris des tenues sur lesquelles éclataient le rouge et le blanc de la robe d'une fille. Il régnait déjà une panique innommable. Des officiers de passage, revenant du front de l'Est et partant pour la Bretagne ou la Normandie, s'offraient une nuit d'oubli. Des jeunes avaient formé une chenille serpentant autour des tables en beuglant Lily Marlène, seule chanson qui avait le mérite d'être plébiscitée par les nazis comme par les opposants. Pour les uns, c'était la nostalgie du foyer éloigné, pour les autres, un chant de liberté avec bien sûr d'autres paroles. Certains, fins sous, s'écroulaient par terre, aussitôt remplacés par d'autres qui voulaient prendre leur part de rigolade. Werner était affalé dans un sofa, avec à ses côtés une brune plantureuse à la peau luisante de sueur riante à gorge déployée. Léo se dirigea vers le sofa et s'assit contre Werner, malgré son aversion. Il attendit quelques minutes une coupe dans la main gauche, la seringuette dans la main droite, la courte aiguille dépassant juste des doigts, le poussoir calé dans la paume de la main. Au moment où la chenille passa devant eux dans un vacarme assourdissant, Léo piqua rapidement Werner dans la cuisse d'un petit geste brusque. Le capitaine eut juste un mouvement de retrait puis sembla se laisser aller. Léo se leva et alla se mettre un peu à l'écart pour suivre le résultat de son acte. La fille qui avait pris Werner en main ne s'aperçut pas tout de suite de son évanouissement. Elle le secoua pour le réveiller. « Alors, mon pépère, tu dors, mon chou? Attends, je vais te réveiller, moi. » Elle lui glissa la main dans le pantalon pour une gâterie en catimini. Devant le manque de résultats de ses caresses, elle feignit la colère. « Alors merde, quoi, j'ai soif, moi. Allez, réveille-toi. » Léo se rapprocha subrepticement de la sortie, puis s'esquiva. Sur le trottoir de la rue de Provence, il remplit ses poumons comme pour revenir à la vie. Il s'éloigna à grands pas et regagna sa voiture qu'il avait garée deux rues plus loin. Présent aussi à cette soirée, Schuller avait remarqué Müller, mais l'affluence ne lui avait pas permis de l'approcher. Quand enfin un peu de calme revint, il ne trouva plus le major. Le boucher de Bobigny commençait à refroidir, et Schuller à se poser des questions. Le réseau du Périgueux leur fit parvenir des nouvelles des fugitifs. Le frère et la sœur Beauchamp avaient pris la route du Maquis sans problème. mais pour le fiancé juif, il n'en était pas allé de même. Se croyant au pays libre et sans danger, il avait voulu à tout prix acheter des cigarettes, contre l'avis formel du guide du réseau. « Mais qu'est-ce que ça risque? Enfin voyons, il n'y a personne ici. Ah, si vous étiez à Paris, là vous auriez peur. » Au détour de la première rue, il tomba nez à nez avec une patrouille de la Feldgendarmerie. Sa réaction suffit à alerter les soldats. Avant qu'il ait pu esquisser le moindre mouvement, il était déjà prisonnier. Il fut fusillé comme juif résistant le surlendemain, sans oraison ni procès. Une cigarette qu'il avait payée de sa vie sans même la fumer. Le plus difficile était de l'annoncer maintenant à sa fiancée. L'anglais, lui, quitta le wagon sans embûche en gare de Bayonne. Mais le camion qui le transportait fut mitraillé par les Allemands. Blessé, il ne fut pas fusillé, mais comme des milliers d'autres, fut utilisé à la construction du mur de l'Atlantique. Lors d'une mutinerie, il reçut une balle en plein cœur, et son corps repose encore dans le béton, quelque part sur la côte atlantique. En attendant une prochaine utilisation, Léo avait fait remiser le précieux wagon. Schuller partit du Wantutu peu après Léo, dont la présence l'avait laissé très dubitatif. De plus, il avait assisté à la découverte du cadavre de Werner, dont la mort par arrêt cardiaque n'était pas sans rappeler celle du boucher Jean Carme. Y avait-il une relation entre la présence de Müller, la mort de Werner, celle de Carme? À sa connaissance, Carme et Müller ne se connaissaient pas. Schuller n'avait assez d'être pris pour une andouille, d'être baladé d'un mensonge à l'autre, de tout et de tout et de tous. Il fallait frapper un grand coup et en finir une bonne fois. Pendant ces derniers jours, Louis n'avait guère eu le temps de s'occuper des meilleurs, seul depuis que les Beauchamp avaient fui. Avait-il encore de quoi manger, de quoi se chauffer? Il frappa chez eux, mais n'obtint pas de réponse. Il colla son oreille à la porte et frappa de nouveau, mais n'entendit aucun mouvement dans l'appartement. Soudain alarmé, il appela à haute voix. « Adam, c'est moi, Louis, ouvre !» Toujours rien. Il tourna le loquet et la porte s'ouvrit. Il pénétra dans le vestibule et flaira une odeur douce amère qu'il connaissait bien, malheureusement. Dans le salon, Adam Meyer et sa femme Rachel étaient tous deux avachis dans un fauteuil, la tête sur l'épaule. Chacun d'eux avait les yeux fermés et une tache rouge à l'endroit du cœur. Adam tenait dans sa main un petit Browning, que Mathilde lui avait certainement donné avant de partir. Louis s'approcha, muet de saisissement. Par acquis de conscience, il toucha la joue d'Adam. Sa température, l'odeur qu'il répandait, ne laissaient aucun doute sur l'antériorité de la mort. Sur la table à côté, une lettre était posée, bien en évidence. « Cher docteur, nous sommes désolés de vous causer des ennuis, vous qui avez été si bon pour nous. La situation est devenue intolérable. Je n'arrive plus à soulager Solange. Mes forces m'abandonnent et je sais bien qu'elles ne reviendront plus, même si je mangeais à ma faim. L'heure est venue pour nous de quitter ce monde que nous avons pourtant aimé, ne serait-ce que pour les gens comme vous que nous y avons connus. Pardonnez-nous encore, car ce n'est guère chrétien ce que nous faisons, mais c'est la seule issue possible. Solange et moi, vous embrassons tous deux et vous remercions encore de nous avoir prié auprès de vous après avoir tout perdu à Dunkerque. Prenez soin de vous et de votre petite famille. Là-haut, nous prierons pour la paix. André Beauchamp. » Louis s'effondra sur une chaise et pleura pendant plus de 5 minutes. Il sanglotait non pas seulement sur la perte des meilleurs, mais aussi sur son propre sort, ne réussissant pas à réfréner les angoisses accumulées depuis des semaines. Il fut traversé par l'idée de suivre l'exemple des meilleurs, mais en aurait-il le courage? Pourrait-il, comme Adam, jusque dans ses derniers écrits, continuer à donner le change en signant Beauchamp, en appelant sa femme Solange, en invoquant la religion chrétienne? Mentir jusque dans la mort, tout cela pour éviter à Louis des ennuis? Que faire des corps? Pas question de recommencer l'épisode des miliciens et de la mise à l'eau, non. Après tout, il fallait tenter le déroulement légal, appeler la police et la laisser procéder. Il signalerait simplement qu'il prendrait en charge les obsèques. Un quart d'heure plus tard, un fourgon de police pénétra dans la cour. Entre-temps, Odette avait été prévenue. Heureusement, David était en classe. Un brave commissaire entra en se découvrant. Il jeta un coup d'œil sur la scène. « Vous êtes médecin, je crois? Il n'y a plus rien à faire. »« Tenez, lisez-lui, » dit Louis en tendant la lettre. Le policier hocha la tête, l'air triste. « J'en ai eu deux autres ce matin. C'est beaucoup trop dur pour eux, surtout quand on est handicapé. » Les yeux de Louis étaient encore rouges de chagrin. Pris de compassion, le commissaire lui demanda de rédiger le certificat de décès. Inutile d'aller chercher quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce qui les ramènera à la vie. Nous allons faire le nécessaire pour l'état civil. Odette serra le bras de Louis. Aïe, se dit-il, comprenant son erreur. Je n'avais pas pensé à ça. Il faut rattraper le coup. Ils sont natifs de Dunkerque, où la mairie est partie en fumée sous les bombardements. Vous ne trouverez rien sur eux à Paris. Peu importe. Nous signalerons leur décès à la mairie du quartier qui délivrera le permis d'inhumer. Sans plus. Ils étaient enregistrés, garde d'alimentation, etc. Oui, elles doivent être dans un tiroir, dit Louis en ouvrant ceux du buffet. Inutile, le rassure encore le commissaire débonnaire. Bien heureusement, car dans le tiroir que Louis avait ouvert, se trouvait la mezouza qu'Adam n'avait pas jetée. Il la repoussa au fond du tiroir en se promettant de la faire disparaître. « Allez, je vous laisse. Vous pouvez appeler les pompes funèbres. Dites-leur qu'ils passent prendre le permis à la mairie. » Une fois la police partie, Odette pleura à son tour à chaudes larmes. « Voilà, tu vois, les pauvres, la mort c'est quelquefois la fin des ennuis. Que Dieu t'entende, ma chérie. » Sur le coup de 3 heures de l'après-midi, Odette fit irruption dans le cabinet de Louis au beau milieu d'une consultation. Sa mine défaite, ses cheveux en désordre, alertèrent Louis. Il expédia son patient et se précipita dans l'appartement. Odette était effondrée dans le canapé. À la vue de son mari, elle se rua dans ses bras et éclata en sanglots. Désemparée, Louis l'exhorta au calme et lui caressa les cheveux. « Calme-toi, ma chérie, je t'en supplie. Que t'est-il arrivé? Raconte-moi. »« Oh Louis, je l'ai fait moi aussi. Cette guerre nous rendra tous fous. C'est horrible. Qu'est-ce qui va nous arriver ?»« Mais dis-moi d'abord, qu'est-ce que tu as fait? Calme-toi, assieds-toi. » Odette raconta alors l'événement qui l'avait tant perturbé. Avec sa camarade Simone, elle était allée, comme chaque semaine, porter à manger à une famille de juifs qui se cachait dans leur appartement. La concierge était complice et leur donnait la clé à chaque visite. Lorsqu'elles sortirent sur le palier du deuxième, une femme les croisa sur les premières marches de l'escalier. « D'où est-ce que vous sortez, vous ? » demanda-t-elle, peu amène. Un peu décontenancée, Simone lui répondit qu'elle venait de visiter un logement libre du deuxième, dont la concierge leur avait donné la clé. « Ah oui, je sais. Tiens, passez-moi la clé. Il m'intéresse cet appartement. Je vais y jeter un coup d'œil. »« Non, » répondit Odette. « La concierge nous a confié la clé. Nous allons la lui rendre. Si vous voulez visiter, il faudra lui demander l'autorisation. »« Mais de quoi elle se mêle, cette petite pimbèche ? Donnez-moi la clé, nom de Dieu ! J'ai autant le droit que vous de voir cet appartement. »« Non, vous ne l'aurez pas. Voyez avec Madame Chave, la concierge. »« Mais tu vas me la donner, petite salope ! » Là-dessus, la femme secoua Odette par son chemisier qui se déchira. « Lâchez-moi, vieille folle ! Tiens, traînez, prends ça dans ta petite gueule !» Une gifle magistrale vint zébrer la joue d'Odette. Sous l'offense, elle ne se contrôla plus et poussa violemment la femme qui boula dans l'escalier étroit et pentu jusqu'au palier inférieur. Simon et Odette se précipitèrent auprès d'elle, qui ne bougeait malheureusement plus. Une porte s'ouvrit alors et une autre femme apparut sur le palier. Elle se pencha sur le corps et regarda les deux jeunes femmes. Un fin sourire dérida ses traits. « Je ne sais rien, je n'ai rien entendu. Partez vous deux, et ne vous inquiétez pas. » Puis elle se pencha par-dessus la rampe et appela. « Madame Chave, venez. Je crois que la mère Larieux a son compte. Elle a dû forcer sur le blanc comme d'habitude. Elle aura fini de nous enquiquiner, celle-là. » La concierge croisa les deux jeunes femmes. « Filez, leur dit-elle. Il fallait bien que ça arrive un jour. » Puis, à l'adresse de la voisine du premier. « Ah ouais, je crois qu'elle a crevé, paix à son âme. Ça va faire un appartement de libre. » Les deux jeunes femmes enfourchèrent leur vélo. Au premier carrefour, elles se séparèrent et pédalèrent comme des folles. « Tu te rends compte, mon chéri, j'ai tué une femme, je ne voulais pas. »« C'est un accident, ma puce. De toute façon, on ne peut plus rien y faire. » D'après ce que j'ai compris, c'était une femme à histoire et qui en plus se pochetronnait. Ça devait lui arriver. Calme-toi. Si tu ne l'avais pas poussée, elle serait peut-être tombée toute seule. Mais comment a-t-elle pu mourir comme ça, Louis ? Elle a simplement dévalé l'escalier. Elle a dû se briser les vertèbres cervicales, c'est radical. » Dans le climat général de violence où ils baignaient tous, Odette avait été autant coupable que victime. Vers 6 heures, une autre femme affolée vint tambouriner à la porte des Fogel. « Je suis une voisine de Madame Lacaze. Elle vient d'être arrêtée et elle m'a demandé en douce de vous prévenir. Ça pourrait barder pour vous. » Louis essaya de garder son calme. Il avait besoin de précision. « Vous savez si elle a été arrêtée seule ?»« Non. » Il y avait déjà quelqu'un d'autre dans la voiture, une femme avec des cheveux blancs. « Madame Kubler !» s'écrièrent à l'unisson les Fogel. C'était couru d'avance. Effectivement, la situation était préoccupante, et Louis savait bien d'où venait le coup. Schuller n'était pas dupe. Il avait décidé d'attaquer par le point faible. Dès que les femmes furent arrêtées, on les conduisit rue des Saussets. Elles commencèrent à être interrogées par un sous-fifre qui demanda à chacune plusieurs fois son identité, comme s'il n'avait rien entendu. Pour Madame Kubler, ce fut particulièrement pénible, car on lui demandait pourquoi, en tant qu'Allemande, elle n'avait pas regagné le sol natal. Les enquêteurs voulaient surtout savoir pour quelles raisons ces deux femmes avaient spontanément témoigné, la véracité de leur témoignage étant reléguée au second plan et sans réelle importance. Madame Lacaze, en raison de sa plastique, fut l'objet de la curiosité lubrique de quelques sbires qui lui mirent les seins à l'air pour la faire parler. Lorsque les nerfs des deux femmes commencèrent à donner des signes de fatigue, Cheleur entra en scène. À huis clos, selon son habitude, il commença par Madame Lacaze. « Pour quelle raison avez-vous témoigné spontanément ?»« Pour aider les recherches, monsieur l'officier. »« Mais comment saviez-vous que ces deux miliciens avaient disparu ?»« On est venu m'interroger dans mon magasin à leur sujet. » « Mais pourquoi n'avez-vous pas dit tout de suite que vous les aviez vus ?»« Parce que sur le moment, je n'ai pas fait le rapprochement. Et puis, vous savez, les miliciens, il en est passé plusieurs devant chez moi. C'est ce que j'ai dit, et je n'ai jamais prétendu que c'était ceux qui avaient disparu que j'avais vus. Ils étaient certainement dans le tas, deux miliciens dans une traction. Ça, oui, je l'ai vu. Ne me prenez pas pour un imbécile, Madame Lacaze. Je suis au moins aussi intelligent que vous. Quelle relation avez-vous avec le docteur Fogle ?» C'est le médecin qui me soigne depuis que je suis dans le quartier. Vous avez témoigné quand vous avez compris que ça le mettrait hors de cause, mais vous avez fait un faux témoignage. Parlez, nom de Dieu ! Et Cheleur la menaça d'une gifle. Déjà, Madame Lacaze avait fermé les yeux dans l'attente du coup. Qui vous a demandé d'aller témoigner en sa faveur ? Personne. C'était pour faire avancer la recherche. Recherche mon cul ! Vous vous foutiez complètement de ces deux hommes. Assez de mensonges. Qui vous a dit de témoigner ? Parlez ! Cheleur commençait à devenir grossier, contrairement à son habitude. C'était mauvais signe. La gifle finit par partir. Sous l'offense et la colère, Madame Lacaze ne rougit même pas. Cheleur l'attrapa par le bras, la porta presque jusqu'à la porte et la jeta dans le couloir où un planton la récupéra. Vint le tour de Madame Kubler. Physiquement, son âge la rendait plus vulnérable. En revanche, psychologiquement, c'était un roc. Cheleur commença à l'attaquer sur ses origines allemandes. Elle aurait dû regagner l'Allemagne pour œuvrer à la victoire du Reich depuis 1933. Elle était déjà traîtresse à la patrie. « Mais j'étais française, et les nazis m'auraient arrêté pour trahison, comme vous le dites. Faux, pas en 1933, vous mentez. Et puis ne parlez pas en allemand, puisque vous n'êtes pas allemande. Je parle en allemand si je veux. Vous commencez à me fatiguer. L'allemand, le français, les nazis, les résistants, j'en ai marre de tout ça. Foutez-moi la paix. Qui vous a dit d'aller témoigner pour le docteur Fogle ? Personne. Madame Lacaze m'a dit que deux miliciens avaient disparu après être allés chez lui. Comme je les avais vus après, j'ai pensé que ça pouvait lui éviter des ennuis. Parce que pour créer des ennuis, vous vous y entendez, vous. C'est moi qui ai demandé à Madame Lacaze d'aller dire ce qu'elle avait vu. Ça pouvait toujours aider un innocent. Scheiße ! Innocent ! Juste le mot qu'il ne fallait pas dire. Je sais la vérité. Vous faites partie d'un réseau, le même que celui du docteur, et vous avez été... Ah ! Téléguidé, voilà, téléguidé pour témoigner. Cheleur laissa deux secondes à Madame Kubler pour qu'elle comprenne bien son propos. Seulement, vieille folle, en faisant cela, vous avez justement attiré l'attention sur le docteur et apporté une preuve de sa culpabilité, tout le contraire de ce que vous vouliez. Je m'en fous, vous me fatiguez, militaire, fusillez-moi tout de suite et qu'on n'en parle plus. Vous fusillez ? Vous rêvez ? Ce sont les combattants qu'on fusille, pas les larves de votre espèce. Cheleur ouvrit la porte du couloir. « En cellule !» dit-il au planton. La culpabilité des deux femmes ne faisait aucun doute. Elle sera peut-être dans le prochain convoi. Rue Tournefort, Louis et Odette avaient couché les meilleurs dans la chambre en attendant que les pompes funèbres vinssent s'en occuper. Profitant d'un petit moment d'accalmie, Louis se rendit chez son notaire tout proche. Il lui demanda d'établir un testament disant qu'il léguait ses biens à Odette, son épouse et à David Zilber, son fils légitime, déclaré sous le nom de Denis Van Lost, né à Lesquin le 13 septembre 1932. À la mort d'Odette, tous les biens reviendraient à son fils David. Il était revenu chez lui depuis seulement une minute, quand il entendit tambouriner au deuxième avec force invective. Il se précipita et ne fut pas étonné de trouver Cheleur avec trois hommes de troupe et un sous-officier qui commençait à enfoncer la porte. « Ah, Herr Doctor ! « Vous tombez bien. Ouvrez cette porte. Nous venons prendre livraison. » Cheleur se précipita à l'intérieur. Lorsqu'il vit les deux corps sur le lit, il faillit attraper une attaque. « Trop tard, » ironisa Louis. « Ils se sont suicidés. Voilà la lettre. » Cheleur envoya dinguer la feuille de papier. Il demanda au soldat de défaire le pantalon du mort et se pencha sur le corps de Meyer. « Ah !» « Je savais bien qu'il était juif !» hurla-t-il, ponctuant chaque syllabe d'un coup de cravache sur le sexe du pauvre Meyer. C'était pourtant vrai qu'il le savait, depuis la première fois qu'il avait rencontré Meyer, qu'il n'avait pourtant pas le type sémite. Il l'avait senti, comme le chat sent la peur de la souris, de la proie. C'est à croire que, chez certains hommes, les instincts animaux ont perduré, particulièrement ceux qui servent à faire le mal. Il inspecta le revers du veston et décela de tout petits trous traces de l'ancienne étoile cousue à cet endroit. Il attrapa le bras de Louis et le tira violemment près du cadavre, lui poussa la tête contre la poitrine du mort. « Et vous ne saviez pas qu'il était juif, hein? Vous venez de le découvrir seulement maintenant ?» Dans sa rage, l'or écrasa le nez de Louis contre le corps de Meyer. « Tenez, respirez-le, votre juif, vous aimez ça !» Les trois soldats fouillèrent les tiroirs. L'un d'eux poussa une exclamation de joie et montra la mezouza à son supérieur, tout fier. « Ah !» se réjouit le lieutenant. « Ça ne lui a pas porté bonheur, et à vous non plus !» Chelor poussa Louis contre le mur et l'étrangla à moitié. « Qu'est-ce que vous avez fait des miliciens ?»« Je ne vois pas de quoi vous voulez parler !» rugit Louis en repoussant violemment Chelor. « Peu importe, vous êtes un assassin, Herr Doctor, je le savais !»« Votre ami Müller aussi !» En plus, c'est un traître. La commedia est finita, comme à l'opéra. Sur un signe, Louis fut menotté et traîné, poussé, frappé. Il quitta son domicile pour ne plus y revenir. Heureusement, Odette était sortie, David à l'école et Léo absent. Dans sa clémence, le hasard voulut que Hans tournât le coin de la rue alors que le SS poussait Louis dans la voiture. Aussitôt, il organisa la protection et la couverture d'Odette, de son fils et Prima Léo. En attendant de pouvoir fuir, ils élurent domicile dans la cave, tremblant au moindre bruit, anxieux du sort de Louis, et ravitaillés par Marcel, qui préma discrètement le réseau d'Odette. Celui-ci se chargea de leur fuite sur les consignes de Léo. Le surlendemain, ils prirent place dans la cage du wagon direction le Périgord. La filière était rodée, autant utiliser celle-là. Léo et Hans furent incorporés dans un groupe de résistants non sans quelques difficultés, mais rapidement, leurs compétences militaires et d'interprètes leur valurent la confiance de tous. David fut placé dans une famille sûre et Odette, toujours sans nouvelles de son mari, put rejoindre les camarades du réseau périgourdin. De temps à autre, il rendait visite à David pour lui montrer qu'il ne l'oubliait pas. Le docteur Fogel fut interné à Drancy en attendant le prochain convoi pour Auschwitz. Quelle pénible joie quand il retrouva les Ilbas. Quel triste soulagement, encore, quand ils apprirent qu'il ferait partie du même convoi. Un matin, un patient de Louis, Jonathan Cohen, fut amené avec un contingent de prisonniers. Il habitait l'immeuble juste derrière celui de Louis. Il l'informa que son épouse, son fils et les deux Allemands de l'étage avaient pris la fuite. Le premier étage était entièrement investi par des SS. Louis fut rassuré d'apprendre que les siens avaient échappé aux griffes de la Gestapo et put enfin trouver un peu de sommeil. Désormais, le seul but des trois amis était de ne pas être séparés, et, s'il fallait mourir, de disparaître ensemble, ensemble comme ils avaient vécu pendant des années. Dans le train, dès les premiers instants du voyage, autant par orgueil que par éducation, ils se tinrent fièrement debout, alors que chaque aiguillage les rejetait les uns contre les autres. Mais le train prenant de la vitesse, pour ne pas tomber, il fallait se retenir à ce qu'on pouvait, et force était de se raccrocher aux plus proches voisins, en s'excusant à chaque instant. Ceux qui pouvaient s'appuyer à une paroi étaient avantagés, mais les autres, ballottés par les mouvements des essieux, titubaient comme des gens sous. Ils durent ravaler bien vite leur fierté, et c'est avec soulagement qu'ils trouvèrent dans le noir une maigre place où s'asseoir. Le froid commençait à les tenailler. Ils se blottirent tous trois l'un contre l'autre et commencèrent à chuchoter. Bientôt Louis sentit que son voisin de derrière cherchait un peu de chaleur contre lui. Il le laissa faire. Combien d'autres choses allait-il devoir encore partager? Dans l'angoisse, certains se muraient dans un autisme désespéré. D'autres éprouvaient le besoin de parler à tout prix, rassurés par le son de leur propre voix. « Vous savez où on nous amène ?» demandait l'une. « On va trimer dans des camps de travail jusqu'à en crever. Voilà où on va, » assurait un autre. « Je suis déjà à moitié morte. Je mourrai là-bas. » Louise Hilbert n'osait leur avouer l'issue fatale du voyage. Peut-être que d'autres, dans le wagon, la connaissaient aussi, mais personne ne parla. Des gens s'interpellaient. Sarah, tu es là? Où tu es, ma fille? Je suis là, maman, de l'autre côté. Essaie de venir, chérie, qu'on soit au moins ensemble. Les prisonniers appelaient en vain qui leur mari, qui leur femme, finissant par comprendre qu'ils n'étaient pas dans ce wagon. Alors ils vivaient de l'espoir de les retrouver à l'arrivée. Deux ou trois ne bougeaient plus. Alertés par les autres, Zilber confirma qu'ils venaient de mourir. Finalement, Olga, Simon et Louis avaient eu beaucoup de chance d'avoir pu rester ensemble. Ils avaient maintenant le temps de passer en revue toute leur histoire et d'en discuter. « Simon, savais-tu que David était mon fils ?»« Je suis désolé. »« Mais je l'ai toujours su, Louis. Un médecin, ça s'est compté. Et puis, Olga ne me l'a jamais caché. » »« Cela m'a même gêné quand j'ai compris qu'Odette et toi ne pourriez avoir d'enfant. » »« Tu vois, finalement, l'Éternel fait bien les choses. » « Qu'il s'étouffe, ton Éternel, pour ce qu'il nous a réservé. »« Vous avez raison, monsieur, » lui dit son voisin de derrière. « Je pense que vous n'êtes pas juif ?»« Non, moi non plus. »« Qu'est-ce que vous avez fait pour être là ?»« J'ai caché des juifs. »« Et surtout, j'ai tué des hommes. »« Mais cela, les Allemands ne le savaient pas, parce que sinon je pense qu'ils m'auraient fusillé. »« Moi, je faisais partie d'un réseau et j'ai été dénoncé. »« Mais je n'en veux pas à celui qui m'a donné parce que le pauvre est mort sous la torture. » Louis se pencha en arrière pour être plus près de son compagnon de misère. Il avait envie de parler de son histoire et de mettre en même temps au courant Olga et Simon de ce qu'il avait fait. Après tout, lui aussi avait lutté à sa manière. « Moi aussi, j'appartenais à un réseau, » dit-il, « le réseau Némésis. »« À Paris ?» demanda le voisin. « Ah, je n'en ai jamais entendu parler. Et pourtant j'étais dans la résistance dès juillet 40, et je connaissais tous les réseaux parisiens. Qu'est-ce que vous faisiez exactement ?» Louis expliqua pour ses trois interlocuteurs les meurtres qu'il avait commis avec leur modus operandi. « Je n'aurais jamais cru cela de toi, » murmura Olga. « Alors c'est donc vous qui avez liquidé Polyakov ? Et Carme aussi ? Ah, je comprends mieux maintenant. Vous appartenez à l'orchestre rouge. Le réseau Némésis n'est qu'une couverture bidon. Au point où on en est, vous savez, vous pouvez dire la vérité. » Louis fut tellement perturbé de ce qu'il venait d'entendre qu'il se leva, faisant choir son voisin. Dans la pénombre, sa respiration soudain accélérée alerta Zilber. « Assieds-toi, tu vas tomber, » lui dit Simon. « Explique-toi, qu'est-ce que tu as ?» Louis leur raconta par le menu comment il avait été recruté et la façon dont il avait présenté les assassinats qu'il devait réaliser. « On vous a eu, mon pauvre !» s'exclama le voisin. « On vous a pris pour une bille !» Polyakov était un gars qui, justement, ne voulait plus travailler pour les Russes, mais qui en savait long. Quant à Carme, l'orchestre rouge lui avait facilité les choses pour s'infiltrer chez les Boches, mais il s'est mis à privilégier ses affaires et à envoyer bouler les Russes. C'était deux types qu'il fallait supprimer pour décourager les transfuges éventuels. Ainsi donc, Louis avait été odieusement manipulé et instrumentalisé par l'orchestre rouge. Il se souvenait des discussions qu'il avait eues avec Pinault à propos du communisme. Il comprenait aussi pourquoi il avait toujours du mal à cerner sa personnalité, notamment dans l'affaire de l'agent du contrôle économique. Pinault était un opportuniste comme beaucoup de Français. Dans le fond, il n'avait été ni plus mauvais ni meilleur que la plupart d'entre eux. Certes, Louis avait plus ou moins œuvré contre le Reich, mais il aurait préféré que ce fût au profit de la France libre et non pas des Soviets. Il était tellement atterré par cette révélation qu'il en restait muet. Pinault avait réussi à gagner sa confiance, mais il n'avait pas eu grand mal. Louis avait été tellement naïf. Odette le lui disait assez. Quel gâchis! Soudain, il eut une envie irrépressible de vengeance. Némésis! Si jamais j'en sors vivant, murmura-t-il. Ne vous fatiguez pas, lui dit son voisin. Vous savez bien que nous ne reviendrons pas. Simon, Olga et Louis veillèrent à rester ensemble quand ils entrèrent nus dans la douche. Ils comprirent immédiatement que les intuitions de Léopold n'étaient pas des élucubrations. Ils avaient devant les yeux la preuve de leur macabre authenticité. Alors ils se couchèrent côte à côte sur le béton froid, où tant de vie avait déjà dû trouver la mort. Bien que tremblant de peur et de froid, les autres les regardèrent bizarrement et les prirent pour des fous. Olga tenait par la main les deux hommes qu'elle avait aimés. Dès les premières suffocations, Louis pensa avec ironie qu'il allait mourir par là où il avait pêché le poison. Leur dernière pensée alla à David, leur fils à tous trois. On les trouva liés dans la mort, comme il avait été dans la vie, le front serein, l'âme en paix. Le gazage terminé, les manutentionnaires juifs ne purent les séparer, et c'est tous trois qu'ils furent jetés dans la fosse.